l'histoire, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, le modèle de l'origine du monde. Il a fallu 1995 pour qu'on le voie enfin, exposé pour la première fois au musée d'Orsay. Pendant plus d'un siècle, ce tableau au parfum de soufre fut réservé à quelques chanceux, des happy few, amateurs d'art ou d'objets défendus. Le rituel était immuable. Après une bonne soirée, le maître de maison, en guise de cadeau à ses invités, soulevait un rideau vert et offrait à leur regard un des chefs-d'œuvre de Gustave Courbet, l'origine du monde. La beauté est dans la nature, disait Courbet. L'artiste génial qui peignait avec autant de réalisme et de force un bouquet de fleurs, son autoportrait ou des truites fraîchement pêchées, a peint ici une femme comme on ne l'a jamais peint avant lui, allongée avec son sexe grandeur nature au premier plan. Mais qui était le modèle de Courbet, celle dont on ne voit pas le visage ? Après bien des spéculations, ce n'est qu'en 2018 que son identité a été révélée. Une femme qui, comme beaucoup d'autres, n'avait pas de place dans l'histoire, mais qui est entrée par inadvertance, par l'entrée de service, par un mot au détour d'une lettre. Elle est notre héroïne ce soir. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Claude Chope, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, spécialiste d'Alexandre Dumas et de son fils aussi, dont vous avez écrit la biographie avec votre épouse. Et ce livre a reçu en 2017 le prix Goncourt de la biographie. Et c'est vous qui, en 2018, avez révélé au public l'identité de la mystérieuse femme qui avait posé pour Courbet en 1866. Vous l'avez raconté dans un très beau livre, L'origine du monde, vie du modèle, qui a été publié chez Phébus en 2018 et qui vient de ressortir en version de poche chez Libretto. Un livre où vous racontez l'enquête quasi policière qui vous a amené pas à pas à découvrir l'identité du modèle. Alors, avant votre découverte, Claude Chope, on a beaucoup cherché, évidemment, beaucoup glosé, spéculé sur cette femme qui avait osé poser comme ça, les jambes écartées, pour ce tableau scandaleux. Quelles étaient les pistes, alors ? On a surtout choisi comme piste des maîtresses de Courbet, par exemple, puisque oser poser devant un peintre, il fallait mieux qu'il y ait une certaine intimité au départ. Et on a un peu cherché du côté des courtisanes. De temps en temps, on a brûlé, mais on n'a jamais réussi à trouver quelle était la personne. Et c'est effectivement Dumas fils qui, dans une lettre écrite à Georges Sand, découvre le secret en parlant de Mademoiselle Queigneau de l'Opéra. Et oui, parce qu'en fait, vous l'avez découvert par hasard, vous ne cherchiez pas mais vous savez, c'est un peu le phénomène du chercheur, c'est-à-dire on cherche très très longtemps sans trouver, puis un jour, on trouve sans chercher. Ah, vous l'avez un peu cherché quand même. Oh, je n'ai pas cherché, non, je cherchais autre chose. Je cherchais à éclaircir les relations entre Georges Sand et Dumas fils. Donc c'était tout à fait un autre domaine, et là, bien sûr, c'est un peu une récompense de la vertu, si vous voulez. Donc cette récompense de la vertu, j'ai eu l'impression que Dumas fils me donnait, puisqu'il me récompensait d'avoir écrit sa vie, il me donnait ce secret. Et donc, c'est quoi ? C'est une phrase un peu étrange, un peu mystérieuse qui vous a fait... Pas vraiment mystérieuse, c'est une phrase étrange, effectivement. À vrai dire, c'est le rapport entre Dumas fils et Sand, ou du moins le dialogue, se fait autour de la Commune. Parce que Courbet, bien sûr, vient de participer à la chute de la colonne Vendôme. Voilà, donc il y a une sorte de haine dépossédant. Et Dieu sait si Georges Sand et Dumas fils sont des gens qui possèdent, qui ont des biens. Et donc ils sont véritablement ennemis de ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Paris. Et nous avons cette phrase de Dumas fils, Courbet est sans excuse. Voilà pourquoi je suis tombé dessus. Quand on a son talent, qui sans être exceptionnel est remarquable, est intéressant. On n'a pas le droit d'être aussi orgueilleux, aussi insolent, aussi lâche. Sans compter, et là c'est la phrase importante, sans compter qu'on ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l'interview de Mademoiselle Kenyo de l'Opéra pour le Turc qui s'y hébergeait de temps en temps. Et donc vous ne compreniez pas cette phrase qui n'a évidemment aucun sens, et vous êtes allé voir le texte original, le manuscrit, et c'est oui. Là que vous avez compris. Oui, car je travaillais effectivement sur un tapuscrit, et donc je suis allé revoir à la BN... La Bibliothèque Nationale. La Bibliothèque Nationale, je suis allé revoir le manuscrit, et le manuscrit, manifestement, ce n'était pas interview. Ça commençait bien par inter, alors j'ai fait intermède, et effectivement, c'était intérieur. Donc c'était l'intérieur de Mademoiselle Kenyo de l'Opéra. De l'Opéra, qui hébergeait de temps en temps le Turc. Et alors le Turc, bien sûr, on connaissait l'histoire de Khalil Bey, c'était bien... Khalil Bey qui était le collectionneur qui a commandé l'œuvre à Courbet. Voilà, absolument. Et donc vous en avez déduit donc, c'était que Mademoiselle Kenyo était le modèle Mademoiselle Kenyo de Courbet. Était le modèle du et à partir de là, qui était Mademoiselle Kenyo? Et donc petit à petit, il a fallu, à coup de recherche, et avec le désir que j'avais depuis le début... de n'avancer que des choses réelles, c'est-à-dire ne pas romancer quelque chose, mais à partir des avoirs de Mademoiselle Kenyo, essayer d'à partir des objets, de voir quel être elle était. Oui, c'est toute la force et la beauté de votre livre, justement, Claude Schoop, c'est d'essayer de reconstituer une vie à partir d'éléments comme ça, épars, que vous êtes allé retrouver dans des archives, dans des actes de naissance, des actes de décès. Ça me fait penser un peu au travail de Michel Perrault, que vous connaissez sûrement, Mélancolie ouvrière, où elle parlait d'une femme, Lucie Beau, une ouvrière... qui avait commencé à travailler à 12 ans et dont on ne connaissait pratiquement rien. Et à partir des éléments qu'elle a pu trouver, elle aura aussi, comme vous, raconté une histoire. Donc grâce à vous, Claude Schoop, nous allons plonger dans le 19e siècle, dans l'hypocrisie d'une époque aussi, ce second empire qui condamne les mauvaises mœurs, qui condamne les fleurs du mal de Baudelaire, mais qui prospère sur la prostitution des jeunes filles. On va aller dans le monde de la bicherie. La bicherie, c'est quoi ? Ce sont les jeunes femmes qui vivent de leur charme, ou qui essaient d'en vivre. Claude Schoop, donc on se retrouve tout à l'heure, si vous le voulez bien, pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, le modèle de l'origine du monde, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Christophe Auquet. Allez, à demain, mesdemoiselles. Soyez à l'heure. Soyez à l'heure. Tout ça pour se faire ploter les fesses dès le matin. Mais maman lui a pas encore payé son trimestre. Je vais lui dire de se dépêcher. Tiens, la polonaise a une nouvelle robe. C'est quand même pas de la soie. C'est bon, on l'a vu ta robe. Tout ça parce qu'elle fait une tête de plus que les autres, elle se prend pour une reine. Et la Descasse, qu'est-ce qu'elle a à me regarder de travers? Ça doit être parce que Perrault m'a fait un compliment. Alors elle, pour faire du gringasse vieux cochon, elle n'est pas la dernière. Heureusement, j'ai mon ange, ma Pauline adorée. Le soir, quand on se retrouve, c'est le meilleur moment de la journée. Mais où elle est passée? Ah, sa mère est venue la chercher. Elle en a de la chance. Moi, maman n'est pas venue me voir une seule fois. Parfois, je me dis qu'elle se fiche complètement de ma vie. Mais peu importe, du moment que j'ai ma Pauline. En 1847, Constance Kenyo, 14 ans, vient d'être engagée à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Mais derrière la prestigieuse institution se cache une réalité sordide. Les jeunes ballerines, souvent issues de familles pauvres, s'entraînent 10 heures par jour pour un salaire de misère. Constance habite un appartement minuscule de la rue du Faubourg Poissonnière avec sa mère Catherine qui travaille comme femme de chambre. Mère et fille dorment sur un matelas à même le sol et n'ont parfois même pas de quoi se chauffer en hiver. Constance, qu'est-ce qui se passe? Le professeur m'a pas laissé entrer. Mais pourquoi? J'étais en retard. Il m'a donné 8 francs d'amende et il m'a dit de pas revenir tant que je les aurais pas payés. 8 francs? Oh, te voilà dans de beaux draps, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une fille pareille? Mais c'est pas de ma faute, maman. J'ai trouvé plus mes chaussons. J'ai cherché partout et c'était la Desquins qui les avait pris, soi-disant qu'elle s'est trompée de casier. Tu parles, je suis sûre qu'elle a fait exprès. Mais combien de fois je te dis de partir de la maison plus tôt? Mais je te dis que c'est pas de ma faute. C'est jamais de ta faute. Eh ben, tant pis pour toi. Maman, tu pourras me les donner quand, les 8 francs? Mais c'est que je les ai pas, moi. Mais comment je vais faire? Ça, tu feras comme tu pourras. Mais maman, si je paye pas, ils vont me renvoyer. Faut que tu me les donnes, t'entends? Je te dis que je les ai pas. J'ai plus rien. Ça fait 2 ans que j'ai des bas troués parce que je peux pas en racheter des neufs. Tout ça pour te payer tes cours de danse. Il faudra encore que je paye pour tes bêtises, mais l'argent, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, Constance. C'est pas juste. La justice, c'est pas pour les gens comme nous. Ça t'arrange bien, hein? Tu veux pas que je fasse de la danse, tu préfères que je devienne une boniche comme toi. Tu veux faire de la danse, mademoiselle, veut faire de la danse? Eh ben si tu veux faire de la danse, fais d'abord marcher ta tête, ma fille. Comment ça? Comment tu crois qu'elles font, les autres? La polonaise qui a toujours des rubans à 5 sous du mètre. Et toutes les autres qui ont des robes en taffetas alors que toi, t'es toujours habillée comme une souillon. J'en sais rien, moi. Leurs parents doivent bien gagner leur vie. Tu parles. Je les ai vues, moi, leur mère. Elles prennent des airs de grande dame parce que c'est toutes des crèves-la-faim. Pas une qui sait écrire. À l'inscription, elles ont toutes signé d'une croix. Bah, comment elles font alors? Ah, elles. Elles font rien. C'est leurs filles. Font le tapin. Qu'est-ce que tu dis, maman? Je dis ce que tout le monde sait, sauf toi. Eh bien, moi, ce que je sais, c'est que toutes les autres mamans viennent aux répétitions, sauf toi. Et pourquoi que tu crois qu'elles viennent? Tu les vois pas causer avec des messieurs devant l'opéra? C'est des maquerelles, je te dis. Elles sont là pour vendre leurs filles, comme à la foire. Tu dis des horreurs parce que t'es jalouse, c'est tout. Jalouse de quoi? Je suis peut-être une boniche, mais au moins je peux me regarder dans la glace. Tout le monde sait que danseuse, c'est pas un métier de femme honnête. Eh bien, moi, je serai une femme honnête, voilà. Ah oui? Et tu vas faire comment? J'en sais rien, je ferai pas comme elle. Constance, écoute-moi, je sais bien que la vie qu'on mène, c'est pas une vie. Alors si un jour, toi aussi, tu trouves un monsieur qui t'aide de temps en temps, je te jugerai pas, va. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? T'es ma mère et tu veux que je finisse dans le lit d'un vieux bonhomme dégoûtant? Mais calme-toi. Allez, là, viens dans mes bras. Ma petite fille, je serai toujours là pour toi. Je te jure que je serai jamais comme elle, maman. Je travaillerai, je repriserai les robes de Madame Soufflant, je trouverai bien un moyen. Le bon Dieu t'entende, ma petite fille. Après 3 ans d'un travail acharné, Constance est engagée comme seconde danseuse à l'Opéra de Paris avec son amie Pauline Dameron. Le Second Empire qui commence célèbre les spectacles et en 1850, être ballerine est une position enviée. Mais le talent ne suffit pas. Constance se rend compte amèrement que sa mère avait raison. Sans la protection des hommes, elle ne fera jamais carrière. Comme ses camarades, elle se met à fréquenter les membres du Jockey Club. Ce cercle regroupe le haut du panier, des ministres, des financiers, des mondains, dont les abonnements constituent à eux seuls la moitié des recettes de l'opéra. En échange, les membres du Jockey ont un accès privilégié aux danseuses et à leur faveur. 28 février 1855. Oh, qui ça peut être? Elisa, aujourd'hui je suis là pour personne. Pour personne, vraiment? Ah, c'est toi! Tu voudrais que je sois pas là le lendemain de ton triomphe? Pauline, j'ai rien lu depuis ce matin, je veux rien savoir, tu entends? Et puisque je te dis que c'est un triomphe, écoute, tu as une critique de Théophile Gautier. Compte rendu de la soirée à l'opéra du 28 février 1855. Mademoiselle Kenyo tenait le rôle de la méchante comtesse et le plissement de ses beaux sourcils noirs excitait les bravos du parterre. On n'est pas plus agréablement insupportable et plus délicieusement furieuse. Il me trouve acariâtre. Ah, tu parles d'un compliment. Qu'est-ce que tu as? Excuse-moi, c'est mon genou qui me fait mal. Tu as fait venir le médecin? Oui, il a dit comme à chaque fois, du repos. Mais c'est impossible, il reste encore 4 représentations. Tu ne veux pas te faire remplacer? Si je me fais remplacer, il me pousse vers la sortie. Autant partir pour de bon. Partir de l'opéra? Tu n'y songes pas? Bien sûr que si. J'ai déjà 23 ans, je serai jamais première danseuse. Pourquoi s'acharner? Aujourd'hui, j'ai une vie confortable et assez d'argent pour m'occuper de ma mère. C'est sûr. Rien qu'avec ce que tu portes aux oreilles, tu es tranquille jusqu'à la fin de tes jours. Ah ça, c'est le cadeau d'adieu du Russe qui rentrait à Moscou. Et tu sais comment je les ai eus? La carabin lui a réclamé des pendants d'oreilles, et puis elle s'est fâchée parce que les diamants n'étaient pas assez gros. Alors il les lui a repris pour me les donner. Elle devait être dans tous ses états. T'en fais pas pour elle, va. Elle s'est rattrapée avec son ministre. Je les ai vus au bois dimanche. Il lui a offert un équipage de 4 chevaux. Et elle a Bélanger. Tu sais qu'elle a fait graver une abeille sur sa calèche? Pour que tout le monde sache qu'elle est la maîtresse de l'empereur. Tu penses bien? À Nantes, elle tirait pieds nus les bateaux sur les chemins de halage. Oh, et sais-tu ce que Léonie m'a raconté sur Clara Bloom? Le mois dernier, elle a fait saisir par un huissier les affaires de son ténor. Tout ça parce qu'il était ruiné et qu'il ne pouvait plus lui payer sa rente. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont saisi s'il était ruiné? 12 paires de chaussettes et 6 pantalons. Toutes ces filles sont folles, je te le dis, ma Constance. Et nous, tu crois qu'on est vraiment plus sages? Moi, je ne sais pas. Mais la plus sage d'entre nous, c'est bien toi. Une vraie femme de tête. Jamais une dépense de travers. C'est parce que je tiens trop à ma mère. Je veux pas qu'elle manque un jour de quoi que ce soit. Déjà? Je file. Le père Aubert doit être déjà chez moi. Aubert? Dis-moi, à 80 ans passés, il est encore vert? Il n'y a guère plus que la musique qu'il fasse vibrer. C'est tout juste s'il arrive à m'attraper la taille de ton ventre. Merci, Elisa. Qui est-ce? Monsieur Dumas prie Mademoiselle Quéniaud de se tenir prête à 8h pour aller dîner à la maison dorée. Oh, Alexandre Dumas, je ne savais pas que tu le connaissais. Ou à peine. Je l'ai rencontré chez la Tourbée la semaine dernière. Qui sait? Peut-être lui inspireras-tu sa prochaine pièce. Être la muse d'un homme, à quoi bon? Toute la gloire est pour lui et personne ne se souvient de vous. Je te reconnais bien là. Mais ne lui sers pas ce discours, veux-tu? Sois tranquille. Comme tous les artistes, il parlera de lui toute la soirée. 4 ans plus tard, Constance se blesse gravement en sortant de scène. À 27 ans, elle arrête définitivement la danse. Mais sa vie ne change guère. Cela fait bien longtemps qu'elle ne vit plus des revenus de l'opéra, mais d'autres que la morale réprouve. Au printemps 1865, les courtisanes de Paris sont en effervescence. Khalil Bey, l'ambassadeur turc, vient d'arriver dans la capitale. Ce dandy raffiné a la réputation d'être un joueur invétéré et un amoureux des arts. Il s'installe boulevard des Italiens, dans un appartement où il mène une vie fastueuse, digne des mille et une nuits. Aussitôt, le tout Paris recherche sa compagnie. Le 2 mai 1865, Constance se rend à la Comédie Française avec son amie Pauline et l'amant de celle-ci, le compositeur Aubert. Où est-ce qu'il peut bien être? Tiens, un homme avec un turban. Non, ça peut pas être lui. On m'a dit qu'il était toujours habillé à l'occidental. Ah, voilà Dumas dans la baignoire de la Tourbée. On dit qu'il ne se passe plus rien entre eux, mais qu'il est toujours à ses pieds. Ah, c'est lui. Mes jumelles. Mais c'est qu'il n'est pas si laid qu'on le dit. Il a un nez un peu fort, mais ses traits sont réguliers et même avenants. Ça y est, il y a déjà les sœurs Résuche autour de lui. Ça va être difficile de l'approcher. Heureusement que Pauline a eu l'idée de génie de la robe. Tiens, le père Aubert dort déjà. Il n'attend même plus le lever de rideau. La dernière fois, il s'est réveillé en poussant un cri en plein milieu du deuxième acte. Allez, le vrai spectacle commencera à l'entracte. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Le bon moment. Et comment tu vas savoir que c'est le bon moment? Ma chère Pauline, c'est tout l'art des femmes qui ne sont plus de la première jeunesse. Donne-moi le bras. Chère madame, vous avez là une robe tout à fait extraordinaire. Vous en avez la primeur. C'est la première fois que je la porte en public. Tout en rouge et noir. C'est superbe. Mais c'est un tapis de roulette. Et avec les numéros exactement dans l'ordre. Vous ne vous trompez pas. J'ai fait faire cette robe en raison d'une qualité que l'on me prête. Et quelle est, madame, cette qualité? Je serai, paraît-il, un porte-veine. J'ai la réputation de faire gagner au jeu celui qui est à mon bras. Madame, si une femme pareille existait, l'heureux homme qui l'a trouvée ne la lâcherait pas pour un empire. À moins que cette femme ne veuille être la propriété d'aucun homme et qu'elle ne préfère faire 1000 heureux plutôt qu'un seul. Je sais que votre nation est celle de la philanthropie, mais moi, rustre que je suis, pour cette seule qualité, je serais prêt à vous enlever et à vous ramener dans mon pays pour moi seul. Vous prendriez un bien grand risque ? Le don que l'on me prête n'est sans doute qu'une fantaisie de l'esprit. Je ne vois qu'une manière d'en avoir le cœur net. Venez me retrouver lundi prochain, au cercle de la rue Royale, avec la même robe surtout. Le lundi suivant, Khalil Bey gagne plus de 100 000 francs en une nuit et fait de Constance sa maîtresse. Mais le joueur est aussi un collectionneur averti qui s'intéresse en particulier aux artistes d'avant-garde. Sous Napoléon III, si le libertinage est à l'honneur, le salon de peinture fustige tout ce qui outrage les bonnes mœurs. En 1865, Édouard Manet fait scandale avec son Olympia, tandis que Courbet se voit refuser l'entrée du salon pour sa toile « Vénus et Psyché ». Chez l'un et l'autre, la représentation de la chair et du désir féminin choque l'académisme de l'époque. 10 juillet 1866. J'ai donc enfin le bonheur d'être reçu par vous, madame. Vous voulez dire déjà ? Après ce que vous m'avez dit l'autre jour ? Oh, allons, allons. Cette petite querelle est passée. Fermez les yeux. Ce sont des saphirs ? Non, des diamants roses. Comment les trouvez-vous ? Ils sont ravissants. Tant mieux. Je ne supporte pas de vous voir malheureuse, et par ma faute. Vos cernes me disent que vous avez passé une fort mauvaise nuit ? Si vous étiez passé devant chez moi, mes fenêtres auraient pu vous le dire. Et comment donc ? Lorsque j'ai perdu au jeu, je donne ordre de ne pas ouvrir les volets, pour reculer le plus possible l'amertume du réveil. Ainsi donc, pour les initiés, vos volets sont le thermomètre de votre fortune ? Voilà qui est intéressant. De ma fortune et de mes amours, puisque les deux sont liés. Arrêtez, vous allez me décoiffer. Ne soyez pas si cruel, vous tenez votre revanche. En refusant de me voir, vous m'avez en partie ruiné. J'ai refusé de vous voir parce que vous le méritiez. Vous affichez avec une autre chez le duc de Morny. Cher ami, le collier ne vous plaît pas ? Mon cher, je croule sous les bijoux. Je pensais qu'un homme de votre qualité m'aurait fait un cadeau plus original. Cela tombe très bien. J'ai une proposition des plus singulières à vous faire. Vous m'intriguez ? Figurez-vous qu'hier, chez Madame de Tourbet, on m'a présenté Monsieur de Sainte-Beuve. Il m'a fait l'éloge d'un tableau de Courbet tout à fait inouï qui a été refusé au salon l'an dernier. Je me suis fait alors conduire immédiatement à l'atelier de Courbet, rue Hautefeuille. Et quel était donc ce tableau si extraordinaire ? Imaginez, deux femmes grandeur nature, l'une blonde et l'autre brune. L'une endormie et l'autre la regarde endormir. Les deux d'une grâce exquise. Le tableau s'intitule « Vénus et Psyché ». J'ai voulu l'acheter, mais il était déjà vendu. Courbet m'a alors proposé d'exécuter un autre tableau qui en serait la suite. Je reconnais bien là votre goût pour les amours féminines. Que voulez-vous ? Il faut bien donner à un pauvre syphilitique de quoi nourrir son imagination. Venez-en à votre proposition. Courbet n'a pas voulu descendre en dessous de 20 000 francs. Nous avons donc convenu que pour le même prix, il me livrerait un nu, un petit format. Et comme je suis le commanditaire, j'ai demandé à l'artiste que le modèle en soit une femme chère à mon cœur. Cher ami, vous me voyez extrêmement flatté de cette proposition, mais vous connaissez ma discrétion. Contrairement à mes consoeurs, j'ai toujours préféré l'ombre à la lumière. Je m'y sens en lieu sûr. Rassurez-vous, Courbet m'a assuré qu'on ne reconnaîtrait pas le modèle. Je serai donc de dos ? Je ne sais pas comment il compte procéder, mais il m'a donné sa parole. C'est que je me sens guère la patience de poser. Je vous en prie, songez que j'aurai chez moi un portrait de vous, qui sera notre secret à tous les deux. Madame, Monsieur Dumas est là. Promettez-moi d'y réfléchir. Je vous le promets. Faites-le entrer. Mes hommages, madame. Très cher, vous connaissez son excellence. Votre réputation vous précède, monsieur. Oh, vous êtes un des plus grands auteurs de votre pays. Moi, je ne suis qu'un modeste amateur d'art. Avec une collection de peintures qui fait pâlir d'envie tout Paris. Venez dîner un de ces soirs. Vous pourrez la voir à votre guise. D'autant qu'elle va bientôt s'agrandir. Très cher, je vous laisse à votre visiteur. À ce soir. Pour un Turc, je dois reconnaître qu'il a du goût et une certaine allure. Vous avez en commun deux passions, la peinture et le beau sexe. Sans fausse modestie, dans ces deux domaines, je pense m'être illustré bien plus que lui. Mais que voulait-il dire par « ma collection va s'agrandir » ? Je crois qu'il compte acheter deux toiles à Monsieur Courbet. Courbet ? Ne prononcez pas ce nom devant moi. Et pourquoi donc ? Je ne connais rien de plus abominable que sa peinture. Quant à son talent, se consacrer à des sujets aussi obscènes... Je ne vois rien d'obscène à peindre ce que la nature offre à nos yeux. Tiens donc, vous vous piquez d'esthétique maintenant ? Parce que je suis une femme, je devrais laisser aux hommes cette préoccupation ? Mais enfin, comment pouvez-vous défendre la représentation ordurière qu'il fait de votre propre sexe, au nom de je ne sais quel réalisme ? Songez qu'il a peint deux femmes se passant d'hommes en grandeur naturelle. Et alors ? N'en connaissez-vous point, et parmi vos plus proches amis ? Là n'est pas la question. Le rôle de l'artiste est de nous montrer la beauté, et non le fumier. Avec le même pinceau, n'aurait-il pas mieux fait de peindre deux nymphes se baignant dans l'eau d'une source ? Avez-vous déjà vu des nymphes se baigner ? Pardon ? Vous parlez de nymphes, en avez-vous déjà vu? Toutes ces créatures mythologiques ne sont bonnes qu'à décorer des cheminées. Courbet, lui, peint des femmes en chair, bien réelles. Ce ne sont pas des femmes qu'il peint, mais des percheronnes. Ses ventres pleins de graisse, ses cuisses qui tombent et ses postures de débauchée. Voilà un curieux argument de votre part. N'est-ce pas vous, avec votre dame au camélia, qui avez donné ses lettres de noblesse à la débauche? Cela n'a rien de comparable. Contrairement à Courbet, quand je me suis retrouvé devant la fange, j'en ai fait de l'or. J'ai fait de la prostituée une sainte. Je n'ai pas flatté les bas instincts du public. J'ai fait appel à son cœur et à son intelligence. Eh bien, je dis, moi, que votre Marguerite n'existe pas et n'a jamais existé, et qu'il faut des artistes qui inventent et d'autres qui décrivent la réalité telle qu'elle est. Madame, je vois que faire partie du harem de ce Turc vous a fait perdre le sens commun. Vous ne me reverrez de votre vie. Je suis tranquille. Avec vous, les adieux ne sont jamais définitifs. Cette fois-ci, ils le sont. Vous ne serez jamais la dame aux camélias, tout au plus celle aux violettes. Vous savez ces bouquets à deux sous que l'on vend dans la rue, d'où vous venez? Adieu, madame. Je me demande bien quel homme peut être ce Courbet. On dit qu'il est un peu rustre, qu'il manque de manières. Il ne faudrait pas qu'il couche avec ses modèles. Le B n'est pas jaloux, mais son orgueil en serait blessé. Et dire que je n'en ai même pas parlé à ma mère, je l'entends d'ici. Poser nue, et ça va t'apporter quoi, à part des ennuis? C'est sûr que je m'en serais bien passée. Mais le B a tellement insisté. Il doit s'imaginer que m'avoir en portrait chez lui, jour et nuit, va lui porter chance. Ah, c'est ici. Dommage, madame. Je ne vous baisse pas la main, comme vous voyez, j'ai les doigts dans la peinture. Monsieur, je suis très honorée de rencontrer le grand artiste que vous êtes. Vous aimez donc ma peinture? L'homme qui m'envoie à vous est un de vos plus fervents admirateurs. Il m'a fait découvrir et aimer votre travail. Vous m'envoyez ravi. Voilà. Je suis à vous. Mais comment? Mais vous êtes encore habillée? Soyez sûr que je m'acquitterai de mon rôle du mieux que je pourrai. Avant de commencer, je voudrais simplement que vous me donniez votre parole que je ne serai pas reconnaissable sur le tableau, car c'est à cette condition expresse que j'ai accepté. Ne craignez rien, madame, je vous assure que ceux qui vous reconnaîtraient seraient extraordinairement physionomistes. On ne verra donc point mon visage? Ni votre visage, ni vos cheveux, ni vos bras. Comment cela? Je serai donc penchée? Venez. Je vais vous montrer. Vous vous mettrez dans ce lit et le drap, ce sera pour vous couvrir. Quoi? De la tête aux pieds? Mais non, enfin, je ne fais pas le sensuaire. Allez, s'il vous plaît, on y va. Vous pouvez vous déshabiller derrière le paravent. Vous ne m'avez pas dit le sujet du tableau? Le sujet? Oh, le monde avant sa création. Je peux vous assurer que ni Titien, ni Raphaël, ni moi-même n'auront jamais rien fait d'aussi beau. Voilà. Magnifique. Et en plus, la lumière est parfaite. Madame, je dois vous prévenir d'une chose, quand je dessine, je ne parle pas. Faites ce que je vous dis, ne me posez aucune question. Si vous vous en remettez à moi, il faut que ce soit les yeux fermés, sinon vous pouvez repartir. Eh bien, voilà qui est parlé franchement. C'est entendu. Je m'en remets entièrement à votre talent. Très bien, alors commençons. Allongez-vous là. Voilà. Donnez-moi vos... comme ça. Ça. Voilà, c'est parfait. Voilà. Vous ne bougez plus. Vous restez comme ça. C'est très bien. Comme ça? Je vous l'ai dit, je ne parle pas pendant que je dessine. Certes, mais je ne pensais pas servir de modèle à une planche d'anatomie. Si je faisais du dessin d'anatomie, je serais allé à la morgue. Elle gigote tout moins que vous. Monsieur, vous savez que je n'ai pas la pudeur d'une femme du monde. Ne voyez que de la curiosité dans ma question. Mais quel intérêt d'exhiber une partie du corps que la décence interdit de montrer? La tête de Monsieur Napoléon, voilà ce que la décence devrait interdire de montrer. Et pourtant, les journaux en sont pleins. Mais c'est pas vrai, arrêtez de bouger. Je vous dis autrement, on pourra pas y arriver. En 1866, Courbet livre à Khalil Bey l'origine du monde. Aussitôt, son propriétaire place le scandaleux tableau dans sa salle de bain, à l'abri des regards. Seuls quelques initiés ont le privilège de le découvrir. L'origine du monde suscite des réactions extrêmes entre fascination et dégoût. Maxime Ducamp écrira à son sujet « Courbet a dégradé son métier au-delà de l'abjection ». L'année suivante, Calilbert rompt avec Constance et subit des pertes colossales au jeu. Ruiné, il rentre à Constantinople. En 1871, l'échec de la Commune de Paris marque la disgrâce de Courbet. Il part en exil en Suisse où il mourra dans la misère. Quelques années plus tard, la veille de Noël 1875, Constance se rend au chevet de sa mère, Catherine, qui a fait une attaque d'apoplexie. Maman, comment tu te sens ? Oh, comme il est joli ce manchon. C'est de la zipline ? Oui, je t'en offrirai un. La semaine prochaine, je t'emmène à Garnier. Le nouvel opéra est fabuleux, il faut que tu le vois. Ah, ça m'étonnerait que je le voie de mon vivant. Non, raconte pas de bêtises. J'ai parlé au médecin, il dit que tu seras sur pied d'ici une semaine. La petite fille, c'est un drôle de réveillon que je t'offre là. Ça va aller, maman. Elisa va nous apporter à souper tout à l'heure. Elle a fait une dinde, tu vas te régaler. Elisa est une perle. Garde-la auprès de toi le plus longtemps possible. Tu entends ? Oui, maman. Je vais mettre la table. Mets les chandeliers en argent qui sont sur la cheminée et tu les emporteras en partant. Pourquoi ? Écoute-moi bien, Constance. Cette nuit, demain, je ne serai probablement plus là. Mon testament est déposé chez Maître Théodore. Quand ce sera fini, son clerc viendra pour faire l'inventaire. Mais j'ai pas confiance. Prends l'argenterie et ramène-la chez toi ce soir, tu entends ? Maman, arrête. Je sais ce que je dis, ma fille. La mort est là, je la sens. Quoi ? Allons. Il faut être forte. Maman, tu peux pas me laisser. J'ai que toi au monde. Le bon Dieu nous donne la vie à condition de la reprendre. Faut pas être triste. J'aurais tellement voulu pouvoir t'offrir une autre vie. Mais quelle autre vie, ma fille ? Tout ce que je t'ai donné, tu me l'as rendu au centuple. Allez, pleure pas. Tu te rappelles quand j'étais petite et qu'on vivait rue du Faubourg Poissonnière ? Et qu'on crevait de faim et qu'on se disputait tous les soirs. Si tu savais comme je suis fière de toi. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Je t'ai toujours défendu, tu sais, face à tous ceux qui disaient du mal de toi à cause de ton métier. J'ai toujours dit, ma fille n'est pas plus malhonnête qu'une autre, et elle a plus de cœur que tous ces bourgeois. Elle fait l'aumône aux pauvres tous les jours. Alors souviens-toi d'une chose, garde toujours la tête haute. Oui, maman. Tu n'as pas fait la même erreur que moi. Tu ne t'encombrais ni de mari, ni d'enfant, alors profite de ce que la vie a encore à t'offrir. Allez. Elisa va arriver. Aide-moi à m'habiller. Maman ? Qu'est-ce que tu as ? Maman ? Catherine Quéniaud meurt le lendemain dans les bras de sa fille. En 1882, l'âge arrivant et les hommes se faisant plus rares, Constance décide de se retirer définitivement de la vie parisienne. Grâce à l'argent de Khalil Bey et de ses autres protecteurs, elle achète une maison à Cabourg où elle s'installe avec la fidèle Elisa. Elle consacre désormais son temps aux œuvres de charité. Le 16 mai 1895, Alexandre Dumas fils vient rendre visite à sa vieille amie. Tous deux se promènent sur la plage de Cabourg. Quel vent de tous les diables! Je ne sais pas comment vous faites pour vivre ici toute l'année. J'aurais été étonnée de ne pas vous entendre vous plaindre. N'y voyez que le regret de ne pas voir plus souvent une vieille amie. Vous êtes le bienvenu à Cabourg quand vous le voulez, vous le savez bien. La capitale ne vous manque-t-elle pas? Jamais. Le jour où ma chère Pauline est morte, il y a 5 ans, les lumières de Paris se sont éteintes pour moi. Ici, mes chères pupilles de l'orphelinat me redonnent du baume au cœur. En tant que fils naturel d'un père qui s'est débarrassé de moi en pension à 10 ans, je ne peux qu'être sensible à cette cause. Je suis sûr que vos pensionnaires sont entre d'excellentes mains. Savez-vous, nous allons organiser au mois de juin une vente de charité au salon de peinture des Champs-Élysées, si vous pouviez en faire la publicité auprès de vos amis. Naturellement, très cher. À ce propos, Je me souviens que vous avez vous-même une modeste mais admirable collection. N'avez-vous pas un Courbet ? Votre mémoire est excellente. Courbet m'a offert en effet une nature morte, un bouquet de fleurs. Si vous voulez le vendre, je peux vous présenter des collectionneurs. La côte de Courbet a beaucoup remonté. Les Républicains l'ont réhabilité après l'affaire de la colonne Vendôme. C'est devenu un martyr des Versaillais. Lui qui a attendu cela toute sa vie. Il est bien triste que cette injustice ne soit réparée qu'après sa mort. Mais voyez-vous, je suis très attachée à ce tableau, je ne saurais m'en séparer. Pardonnez mon indiscrétion, mais Courbet vous a-t-il fait ce cadeau autrefois pour vous convaincre de prêter votre intérieur à son pinceau ? Il n'a pas eu besoin de me convaincre. Son talent m'avait déjà convaincue. Il m'a offert ce tableau bien plus tard en raison de l'amitié qui nous unissait. Savez-vous que personne ne sait ce qu'est devenu l'origine du monde ? Quand Lebet a vendu sa collection, personne ne l'a vu passer à Drouot. Alors je me suis demandé si par hasard, il ne se trouvait pas chez vous. Pensez-vous, il en raffolait tellement, il ne l'aurait jamais cédé à personne. Il l'a emporté avec lui dans son pays. Le pauvre homme est mort, mais j'ignore ce que le tableau est devenu. Eh bien, le mystère restera donc entier. À ce sujet, je me suis bien gardé d'ébruiter l'identité du modèle. J'ai toujours voulu vous préserver des calomnies, vous le savez. Je vous remercie très cher, mais vous êtes libre de dire ce que bon vous semble. À mon âge, on ne se soucie guère des calomnies. Je n'ai jamais rougi d'avoir servi de modèle à M. Courbet, et si c'était à refaire, je le referais aujourd'hui. Vous êtes bien plus courageuse que lui. Courbet a si peu assumé son tableau qu'il ne l'a jamais exposé. Il voulait certainement s'épargner un nouveau scandale. Allons donc. Il adorait la publicité. Non, il savait très bien ce qu'il avait fait. Il savait qu'il avait renié l'art pour faire de la pornographie. Dans ce cas, il ne l'aurait jamais appelé l'origine du monde. Dans ce titre, il y a tout l'orgueil de l'artiste conscient de sa modernité. La modernité ? Parlons-en. Si la modernité, c'est les immondices de Zola et son assommoir, très peu pour moi. Le romantisme a fait son temps, cher ami. Il faut en faire le deuil. Vous vous trompez. 1 million de personnes à l'enterrement de Victor Hugo. Le plus grand hommage jamais rendu à un poète par une nation. Vous appelez ça le passé. Vous venez de le dire. C'était son enterrement. Je vois que votre esprit est toujours aussi incisif. Le vôtre aussi, à certains moments. Vous conservez donc toute votre affection pour moi ? J'ai toujours été d'une fidélité absolue à mes amis, vous le savez bien. Et puis vous êtes un des seuls à savoir que derrière la robe de la dame patronesse se cache l'origine de... l'origine. Le modèle de l'origine du monde de Marjorie Philibert avec Constance Quéniaud, Camille Pellissier, la mère Marie-Bénédicte Roy, Pauline Dameron, Judith Morisseau, Alexandre Dumas, Julien Aiguerix, Khalil Bey, Slimane Yevza, Gustave Courbet, François Loriquet, Elisa, Virginie Colmain, Brutage, Sophie Bissantz, prise de son, montage et mixage, Mathieu Leroux et Jason Taous, assistante à la réalisation, Clémence Bûcher, réalisation, Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant d'emporter l'histoire sur France Inter. On reprend la discussion sur Constance Quéniaud et l'origine du monde dans quelques minutes avec mon invité Claude Chop. Calme la mer, efface la peine et ma peau s'y plaît. Les jeunes filles en été se baignent. Je m'y suis jetée un soir. Laura Cahen, La Jetée sur France Inter, Autant n'importe l'histoire, réalisé par Anne Weinfeld, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Louis Audebert. Claude Chope, c'est vous donc qui avez découvert l'identité du modèle qui a posé pour L'Origine du Monde de Courbet, un tableau qui, après de nombreuses péripéties, a fini par être acquis par les musées nationaux. Je vous propose d'écouter un reportage réalisé en 1996 au musée d'Orsay où l'on découvrait donc pour la première fois, le public en tout cas découvrait pour la première fois ce tableau. Nicole Savy, alors chef du service culturel, est interviewée ici par Olivier Nanteau. Est-ce que je peux vous demander de le décrire, ce tableau ? De le décrire ? Mais il est indescriptible. J'imagine que c'est à Jacques Lacan qu'il a fallu demander de décrire ce tableau. Ce que je peux vous dire, quand nous disons que ce tableau est un chef-d'œuvre, c'est qu'il s'agit effectivement d'une admirable peinture de nu de Courbet. Alors bien entendu, il y manque l'essentiel de ce qu'on voit surtout les nus dans l'histoire de la peinture. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de bras, il n'y a pas non plus de jambes. Il n'y a bien sûr que la partie centrale, médiane du corps de la femme est dans une position évidemment scandaleuse. C'est un tableau qui fait encore scandale ? C'est un tableau qui fait encore scandale, tout à fait, vis-à-vis duquel les gens, les spectateurs ont des réactions très, très diverses, sont parfois gênés d'être vu en train de le voir, font semblant de regarder le tableau qui est à côté. Bon, c'est un tableau qui n'est pas tellement fait pour être vu par les enfants. Bon, actuellement, il est présenté dans une sorte de chapelle qui lui est consacrée. Derrière le panneau peint par André Masson qui le dissimulait, et à côté d'autres œuvres proches de Courbet, de peinture érotique, par exemple. C'est donc Olivier Nanteau sur France Inter en 1996, le Jacques Lacan dont parle Nicole Savy, donc c'était le psychanalyste qui a longtemps été un des propriétaires de L'Origine du Monde. C'est étonnant, Claude Chope, quand même, cette manière de parler, cette difficulté à parler avec des mots simples de L'Origine du Monde. C'est un tableau qui continue de déranger, à votre avis ? Oui, enfin, je pense surtout qu'il fait peur. J'ai vécu l'expérience, on a présenté le tableau à une exposition très peu de temps après l'apparition de mon livre, ouais. Et il était mis au fond d'un petit couloir au musée juif, et je voyais que les gens se détournaient du tableau comme s'ils ne voulaient pas le voir. Et à ce moment-là, Brigitte Sappé, qui est une musicologue que je connais, est arrivée avec un grand jeune homme. Et là, au contraire, elle a dit à ce grand jeune homme qui avait une vingtaine d'années, « Regarde, mon petit, c'est de là dont tu viens. » Et donc, elle revivait l'origine, elle lui donnait au contraire une fierté à ce tableau. Tout est montrable, en fait. Oui, parce que ce tableau, enfin, bon, on peut y voir ce qu'on veut, mais enfin, c'est... Il nous renvoie sûrement à une vérité que beaucoup de gens ne veulent pas voir, c'est que nous sommes tous nés de là, finalement, du sexe d'une femme. Absolument. Avec en prime, si possible, un peu de plaisir. Bon, ça c'est une autre histoire. Alors, est-ce que le fait de connaître l'identité du modèle a changé votre regard à vous, Claude Chope, sur ce tableau de Courbet ? Bah, mon regard, je ne sais pas très bien. C'est-à-dire qu'il a lié mon destin aussi, en quelque sorte. C'est-à-dire, lui donner existence, c'était quand même quelque chose d'assez prodigieux. J'ai vécu ça comme quelque chose d'un peu immérité. Lorsque, effectivement, l'idée que la phrase que je venais de lire me donnait l'entrée, l'identité de la personne... Oui, c'est une clé, un peu. La clé... J'ai été une dizaine de minutes en me disant, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vrai? C'est fabuleux de vivre ça. C'est, oui, non. Effectivement, j'ai hésité, peut-être 10 minutes avant de transmettre la nouvelle à ma femme en disant, voilà, je crois, mais. Est-ce que je rêve? Voilà, il y a eu une période, parce qu'effectivement, il y a un côté mythique dans cette représentation qui faisait de l'origine du monde un tableau très différent des autres tableaux. Bien sûr, il a été beaucoup interprété, et puis le fait qu'il était caché si longtemps, recouvert d'un rideau, comme ça... Absolument, le petit rideau vert et ensuite la toile de Masson. Oui, c'est un mystère qui... qui attire et fait peur, je crois. Mais l'histoire de Constance Quéniaud, donc, que vous avez découverte, elle a encore ses mystères, puisqu'il y a beaucoup de choses d'elle qu'on ne sait pas. Comme vous l'avez dit, Claude Chop, vous êtes tenu au fait, ce que vous avez trouvé, vous n'avez pas voulu romancer. Donc, c'est vrai que c'est comme un puzzle, un peu, avec des pièces que vous avez mises ensemble. Et voilà, il y a quelque chose qui apparaît, une femme du 19e siècle, une courtisane, avec sa vie, une femme assez belle aussi dans ce qu'on peut deviner de sa personnalité. Une femme aérienne un peu, qui a échappé à tout ce qui était de la fange pour en faire autre chose. C'est assez, ce qui m'a véritablement marqué, c'est de commencer par sa vie, c'est-à-dire son acte de naissance où sa mère signe avec une croix, ouais. C'est-à-dire ça donne une idée claire de... C'est une fille naturelle, née d'une personne qui ne peut pas signer. Et à la fin de sa vie, lorsque je regarde toutes les richesses dans les inventaires après décès, toutes ces richesses, alors à la fois des objets, fourrures, bijoux, mais aussi bons du trésor, actions des chemins de fer, et elle est partie de rien, elle est arrivée à plus que de l'aisance. C'est donc, il y a quelque chose, et alors que j'avais peut-être, c'est très masculin, un certain mépris pour cette courtisane dans ma première approche, au contraire, c'est devenu de l'admiration. Mm-hmm. J'ai trouvé que c'était admirable que cette femme puisse, en utilisant les armes qui étaient les siennes, puisse avoir une existence forte et très indépendante, en fait. Oui, et puis on voit qu'elle a été une collectionneuse d'art. C'était une femme qui, sans doute, aimait l'art. Elle a acheté des objets d'art. On voit qu'elle était fidèle en amitié et elle a été généreuse aussi avec ses domestiques jusqu'à la mort, puisqu'elle a... Oui, elle donnait 8000 francs à Elisa, par exemple, ce qui était considérable. Non, effectivement, c'était la première chose. Et la deuxième chose qui m'a frappé petit à petit, justement, avec Pauline, une actrice du français, etc., c'était de voir comment ces femmes qui avaient vécu des hommes voulaient vivre entre elles. C'était véritablement... En fait, elles ont utilisé les hommes, mais elles ont aimé les femmes. En fait. Et ça, c'était aussi... Ça se dégageait lentement des petits textes qu'on pouvait lire dans les journaux, etc. Il y avait ce désir très simple de retrouver ce qui pouvait être la vérité de cette femme. Est-ce qu'on a une idée, Claude Chop, de ce qu'a pu être la transaction pour qu'elle accepte de poser pour ce tableau ? J'imagine qu'elle a été payée, j'espère, d'une certaine manière, pour elle. Oh non, elle n'a pas été payée pour poser. Non, non, non, ça a été un acte volontaire. Elle a été payée par Khalil Bey, par son amant. Des sommes considérables. Enfin, je pense qu'à chaque fois qu'elle portait chance à Khalil Bey, Khalil Bey réservait une partie. Oui, c'est une manière de la payer. Oui, oui, non, il y avait tout un... Non, il ne se faisait pas payer, c'est sûr. Ce tableau a été beaucoup critiqué. Théophile Gautier disait que Courbet peignait la laideur. Alexandre Dumas fils, on l'a entendu, il est pas très sympathique dans cette histoire. Hein. Il n'aime pas Courbet. Pour lui, c'est le peintre de la débauche. Pourquoi ce tableau érotique était-il aussi politique d'une certaine manière ? Bah parce que dans l'académisme régnant, il est celui qui rompt l'académisme, en définitive. Il montre effectivement la chair, alors que généralement, on donnait une représentation extrêmement édulcorée. Des femmes nues, oui. Voilà, je pense que c'est un peu Courbet contre Ingres, en définitive. C'est-à-dire que le rendu de la chair, c'est ce qui a intéressé Courbet, et donc c'était scandaleux en soi. La chair et le poil. La chair, le poil, oui, absolument. C'est quelque chose qu'on ne montrait pas. Ouais. Voilà, l'humain tel qu'il est. Et Alexandre Dumas, fils, c'est étonnant quand même sa réaction, parce que lui-même, il a donné ses lettres de noblesse à la prostituée avec son roman La Dame aux Camélias. Oui, en fait, pour Dumas, fils, au contraire, toute sa lutte a été justement d'essayer de... C'était un bâtard, hein, Dumas, fils, c'était un bâtard, et il a essayé de servir la cause des bâtards, c'est-à-dire là aussi, il était en dehors de l'académisme régnant. Parce que lui-même, il a eu une histoire d'amour avec une courtisane, Marie Duplessis. C'était elle qui est un peu son, le personnage qui a servi un peu d'inspiration. Oui, mais alors là, c'est dans une vision très romantique des choses, à la fois réaliste et romantique, c'est-à-dire réhabiliter, comme Hugo a essayé de réhabiliter aussi dans Les Misérables, la prostituée. Un extrait, vous l'avez reconnu, de La Traviata de Verdi, qui donc, Verdi s'est inspiré de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils. La pauvre Marguerite Gauthier, atteinte de tuberculose, va mourir à la fin de la pièce en se sacrifiant pour la morale. Est-ce que Constance Quéniaud, finalement, c'est pas l'anti-Dame aux Camélias? C'est certainement l'anti-Dame aux Camélias. Sa trajectoire est totalement différente. Elle est totalement différente et elle a joué son jeu. Sans doute, elle a évité d'être amoureuse des hommes. C'était le danger, en fait, pour la plupart de ces courtisanes terminent d'une façon tragique, c'est-à-dire que c'est la misère une fois la beauté terminée. Regardez. Oui, peut-être aussi elle a été atteinte de syphilis. Khalil Bey, visiblement, avait cette maladie. Oui, ça se soignait très bien à Paris. Donc c'est à Paris qu'on venait. Je pense que venant de Saint-Pétersbourg, il est venu à Paris aussi pour soigner sa syphilis. Mais elle ne se sacrifie pas. Elle ne se sacrifie absolument pas. Elle résiste et elle sait que c'est véritablement, si elle veut mettre à profit sa beauté ou le reste de beauté, elle doit absolument ne pas tomber amoureuse. C'est évident, elle n'est pas amoureuse de Khalil Bey. Est-ce qu'elle a voulu avoir un enfant? Peut-être qu'elle a été enceinte, qu'elle a été obligée d'avorter, on ne sait pas. Là, on sait très peu de choses, en fait. On connaît beaucoup mieux ce qu'elle possédait que ce qu'elle était. Oui. Ce qu'elle possédait. Et là, on voit dans son ameublement, etc., qu'elle rejoint l'aristocratie du temps, c'est-à-dire cette redécouverte du XVIIIe siècle. Elle vit dans un décor XVIIIe siècle. Merci beaucoup, Claude Chop. Je conseille vivement la lecture de votre livre, L'origine du monde, vie du modèle, qui vient de ressortir en collection de poche chez Libretto. Autant n'emporte l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, changement de décor et d'ambiance, nous serons à Marseille en 1940. Alors que la France et toute l'Europe sont occupées par les armées d'Hitler, un Américain, Varian Fry, fera l'impossible pour tenter de sauver des artistes, des intellectuels, juifs ou non-juifs, en les aidant à s'exiler vers les États-Unis. Varian Fry, un héros américain dans la France de Vichy, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.